beaucoup. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Depuis que je t'ai vu, j'ai perdu le contrôle. Ton sourire, ta beauté, tu m'emportes dans un rêve. Dans tes bras, je me sens comme un roi. Tu es la seule qui compte, tout le reste s'efface. Je vois ton regard, il fait briller ma nuit. Je t'ai donné mon cœur, bébé, prends-le, c'est ton fruit. Si tu veux, tu peux l'avoir, je te le confie. T'es la clé de mon bonheur, viens, ouvre cette vie. Prends mon cœur, bébé, il t'appartient. Je te le donne, fais de moi ton destin. Sous la lune, ensemble, on s'envole. Ma chérie, viens, on fait briller. Deviens plus beau. Avec toi, je sens que je suis plus haut. Chaque sourire, chaque caresse me rassure. Ta voix me dit tout, je me sens plus sûr. Tu es mon trésor, celle que je cherche. Le feu qui me brûle, la flamme qui m'éclaire. Je n'ai plus de doute, tu es mon amour. Prends-moi dans tes bras, jamais pour toujours. Prends mon cœur, bébé, il t'appartient. Je te le donne, fais de moi ton destin. Sous la lune, ensemble, on s'envole. Ma chérie, viens, on fait briller le soleil. À toi sans cesse, tes mots me réchauffent, ils allument ma flamme. T'es mon étoile, celle qui guide mes pas. Avec toi, chaque instant devient rêve, tu vois. Tes rires, tes gestes, c'est tout ce que j'aime. Je suis prêt à tout pour que notre amour t'emmène dans un monde parfait où rien ne nous sépare. Prends mon cœur, bébé, il est à toi pour toujours. Prends mon cœur, bébé, il t'appartient. Je te le donne, fais de moi ton destin. Sous la lune, ensemble, on s'envole. Ma chérie, viens, on fait briller le soleil. Un nouveau jour qui se lève auprès de toi. l'amour à chaque instant. Danse encore dans ma tête et dans mon cœur. La douceur de ta peau, la chaleur de ton corps. Je suis fou de toi. Fou de toi. Je veux te garder près de moi. Dans la saison. En suivant tes pas, je veux t'emmener avec moi, voyager avec toi, te garder près de moi, le bonheur avec toi. Je veux te garder près de moi, t'enlacer dans mes bras, danser autour de toi, en suivant tes pas.

insultes, menaces contre ceux qui ont tort. Un prof agressé devant ses élèves en pleurs. La peur dans les classes où grandit la douleur. Plus jamais pour Mélanie, ses vies brisées dans nos écoles. Des lames, des coups, des cris qui volent, les âmes en vol. Gouvernement, écoutez ces cœurs qu'on ne peut taire. Agissez maintenant. Des points contre un prof, menaces de mort, un chaos qui s'amplifie dans les salles de classe. Des ombres se glissent, des abus dans l'ombre, des enfants qui s'effacent à la maternelle. Des gestes qui souillent, des collégiens touchés, des lycéens sans voile. 13% des filles, des blessures qu'on tait, la pornographie guide des enfants dans l'effroi. Sa mare à terre, le cas s'est éteint sous le poids des misères. 10% des élèves harcelés dans le silence et les profs désarmés face à tant de violence. 6000 fouilles, 300 lames saisies, mais les murs tremblent encore sous ces âmes brisées. Les portiques, les lois ne suffisent plus, il faut protéger avant que tout soit perdu. Sa mère, une classe pleure un guide, une fillette de 7 ans, victime d'un vide, parents, élèves, profs, tous pris dans la tourmente, formés, protégés, que l'école redevienne sainte. Comment j'aurais kick, pom pom pom. Je crois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. Je ferais mieux de t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Ça fait clic, clic, clic, pom pom pom. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Bonjour à vous toutes, voilà, il est 13h passé de 30 minutes et voici le retour comme tous les dimanches, l'accordéon. Donc un petit coucou à tout ce moment Lionel avec bien sûr l'émission Le Téléphone Sonne, et bien que vous allez le retrouver bien dimanche prochain à partir de 10h jusqu'à 12h30. Voilà donc, eh bien, pour nous, nous sommes là pour l'après-midi jusqu'à 16h avec, bien sûr, l'accordéon pour vous faire, bien sûr, danser. Et puis ainsi aussi pour vous faire plaisir aussi, tout simplement. Voilà, demain, sans plus tarder, je vous laisse bien sûr du côté de la musique de l'accordéon et je vous laisse avec la valse et puis le tango.

Eh bien, on continue, bien sûr, et je vous laisse avec le tcha-tcha, et puis suivi avec un autre morceau de Charleston. Thank you.

Voilà, on continue bien sûr et je vous laisse avec le Fox et puis juste après, passe double. Thank you.

Attends, mais c'est pas fini. Le dimanche, on recommence. Et no domingo, voltamos novamente. Dimanche 22, rouverture du parc, dès 11h. Avec os bombos, os amigos de Portugal. Puis l'émission de radio en direct du parc. Puis suivi des grands repas champêtres. Com os comes e bebes à portuguesa. Le village des restaurateurs sur place pour vous servir. Buvette et grand stand. Suivi du discours des officiels. O encontro das concertinas com a Ronda Minhota e os Minhotos de La Chapelle. De seguida, vêm aí os grandes cantores de Portugal. Nino da Concertina, Eduardo Santana, Cláudia Nayara e os DNA. Clôture des festivités avec os bombos, os amigos de Portugal. Vamos ter todos lá. On y va tous jusqu'au grand festival de Radio Arc-en-Ciel. Le 21 et 22 juin au Parc de Lignerolles. On compte sur vous. Uma organização de Radio Arc-en-Ciel. Tous e olhar distante, de marinheiro de soldado. Era um rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era, eu disse: sou do monte, senhor, um seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Estava um condenado, vai-te rapaz, na camisola verde, negra me deixa ao vento, põe na maruja ao lado. Ouvindo de doce, altivo moço, indiferente à raiva do meu brado. E ali ficou, na camisola verde, negra me deixa ao vento, põe na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, põe na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, põe na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu puder ter salvado. Mais um rapaz camisola verde, negra me deixa ao vento, põe na maruja ao lado. Ai do rapaz, camisola verde, negra me deixa ao vento, põe na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, põe na maruja ao lado. Deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Com a música e os músicos da Madeira. Voltei para o Alentejo para ter mais tempo para mim. Conheci uma estudante que entre copos disse assim: sei muito bem quem tu és, comigo não fazes farinha. Meu nome é Maria Rita e estou muito bem sozinha. Maria Rita já disse para eu não ter muita pressa, disse para dar tempo ao tempo e deixou. Boa tarde, são 3 horas no continente e na Madeira, 2 nos Açores. Esta hora nas notícias. As sirenes voltaram a soar em Tel Aviv e em Jerusalém. Os dois países continuam os ataques de parte a parte. No Irão já morreram 128 pessoas. Nos Mundiais de Judo, o português Otarik Zandit não conseguiu a medalha, foi derrotado nos quartos de final em Budapeste.